traîne avec Nico et au même état d'esprit. Aucun veulent. Ces rappeurs rigolos fuient quand j'apparais. Le week-end disparaît quand lundi apparaît. Si t'écoutes pas, moi j'appelle, t'as le palu. C'est bâtard qu'on est sous mes sons, je parie. Mon équipe est carrée. Prends le drapeau de Côte d'Ivoire et demain je descends sur Paris. Ouais, viens au Paris. Petit nous suis Boba Cari pour demain vivre comme un Qatari. Les mogos se disent, moi j'avais l'envie, tu parles de nous, on parle jamais toi. Décharge ta haine, le talent, le business. On va se les faire, ces connards. Depuis que j'ai sorti, y'a pas l'an dedans. Ils veulent me faire la peau, ils sont devenus pommade. Veli. Wow. Tu peux rien créer. Ta go est passé avec un bois frais. Tu peux rien créer. Ils ont parlé, on a vu, ils n'ont rien créé. Ils sont jaloux de nous, mais ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer. Et puis après, tu peux rien créer. Je ne partage pas bizarre, mais quand il casse, tes parents t'en parlent du pays. Hey, pour ce coup-ci, je passe un big shout-out à Naruto QB. Hey, y'a déjà exemple, les petits là, tu viens d'arriver. Faut faire ta petit pas pour okay, ceux qui disent on a qu'à quitter. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir. C'est nous, on a créé le terrain. D'autres sont venus en parachute. Faut être chaud, faut être frais. Nous, on te casse comme parachute. Kazamarato, Yamamo, Javeli, roi, souverain du temps 13. Au calamar, faut rejoindre avec qui se passe. En Yuri, Amato, Torina, Kazaku. Hey, tes paroles, mes travers comme passoir. T'as gros cœur, mais déjà j'ai importé le brassard. Au Javel, héritier de la famille bâtard. Mon grand-père, je jamais sa manière de s'asseoir. Au calamar gang. On est concentré champion. Les vrais petits nous s'y sont pas, donc on nourrit, on cherche notre un champion. On est quitté au quartier en esprit, on n'est pas venu pour jouer champion. Les vrais mongols sont pas maudits, les vrais mongols sont pas caméléons champion. Veli. Wow, tu peux rien créer. Ta go est passé avec un gros frais, tu peux rien créer. Ils ont parlé, on a vu, ils n'ont rien créé. Ils sont jaloux de nous, mais ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer. On est fort, hein. T'as fini de bâchi, t'as pas des collants. Bon, t'es beau, hein. On chauffe ton cœur, mais à vous c'est chic. Bon, t'es fond, hein. On a pris crédit, on veut pas payer. Tu peux rien créer. Ils veulent rien créer. Ils veulent rien. Check boy et puis après tu peux rien créer. Yeah. Bon Javel. Bonjour Trond. C'est pour le gang. Ils seront jamais prêts pour la suite. Wow. Tu peux rien créer. Yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah.